Bonjour et bienvenue sur Radioactive dans l'émission Les Neunephiles. C'est la première édition aujourd'hui de cette émission qui est réalisée avec la formation certificat de spécialisation commerce des vins du lycée viticole d'Amboise. Je suis Julie Joyer, je suis l'accompagnatrice du groupe et je donne les cours de communication au lycée viticole au CS Commerce et je suis donc accompagnée de 6 stagiaires de la formation. Bonjour à toutes et tous. Salut Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Salut Julie. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer donc, pour cette toute première émission de commencer par donner vos prénoms, le lieu d'où vous venez et puis peut-être votre lieu de stage. Je m'appelle Maël, j'habite à Jeux-les-Tours et je suis en stage au Vin Sarment, une cave à Savonnières. Bonjour, moi c'est Manon, je viens de Loche. Et je fais mon stage chez Anaïs Fourmont, donc qui est une agent commerciale indépendante qui est basée sur Saint-Cyr, mais qui gère 3 départements. Du coup, moi, c'est Elisa. Je suis à Saint-Cyr-sur-Loire et je vais commencer un stage à la vignerie de Saint-Cyr, qui est un caviste. Et je n'ai pas encore commencé. C'est mon 3e stage. Bonjour, je m'appelle Joachim. Je suis né à Chinon. Il y a plus d'une cinquantaine d'années, et je suis en stage chez Jean-Christophe Laplanche, au Flaveur de la Terre, un caviste installé depuis 20 ans à Loche, un homme passionné et passionnant. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Riley, anciennement parisien, j'habite maintenant à Blois, et je suis en stage chez Coralie et Damien Delechenot à la Grange Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Christophe, je suis à demi Tourangeau et à demi Loir-et-Cherien et mon stage je l'effectue chez les excellents Lise et Bertrand Jousset à Mont-Louis. Donc on a fait le petit tour de table, on est en cours de communication et j'aimerais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, qu'on parle un petit peu de la formation qu'on appelle donc le CS Commerce des Vins. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut me dire qu'est-ce que c'est le CS ? Le CS, c'est un certificat de spécialisation de commercialisation des vins. Alors, on apprend les techniques de force de vente, les techniques commerciales, afin d'acquérir une expérience pour vendre des vins. Et bien sûr, on apprend les régions viticoles de France. Déjà, c'est déjà un vaste sujet. Et puis, on se penche un petit peu aussi sur les vins étrangers. Voilà. Alors moi, je rajouterais, pour compléter Joachim, c'est que cette formation, elle dure 7 mois. Voilà, donc c'est assez dense et rapide. Oui, c'est une formation assez complète. Il y a beaucoup d'heures de cours. Vous êtes donc aussi en stage. Là, vous venez d'évoquer les différents lieux de stage. Et il y a donc beaucoup de dégustations. Donc Joachim, tu disais que vous étudiez les différentes régions françaises. On est en effet assez chauvin-chauvine dans cette formation CS Commerce. Et j'ai vu aussi, vous avez dégusté des eaux hier, donc il y a plein de choses aussi que vous faites en parallèle, il y a des accords mets et vins, vous explorez vraiment le monde du vin sous plein de facettes, j'ai l'impression. Bah effectivement, j'ai oublié de citer la sommellerie, et la dégustation des eaux fait partie de la sommellerie. Alors on n'a pas dégusté de cigares, mais ça fait aussi partie de la sommellerie. On a dégusté quelques whiskies. Il me semble que c'est intéressant de ratisser large, en fait, et d'apprendre le maximum de choses. Et vous faites aussi beaucoup de visites. On était ensemble, il y a 2 jours, au domaine Les Capriades à Faverolles-sur-Cher. Est-ce que vous avez visité beaucoup de lieux comme ça ? Oui, alors on a la possibilité au travers du CS Commerce de visiter plusieurs domaines différents en agriculture bio, biodynamie, et de voir vraiment un large panel de vignerons qui travaillent sur la région. Alors moi je rajouterais pour compléter aussi mes collègues, on a eu la chance de pouvoir aller visiter la tonnellerie qui était près de Blois. Oui, c'était à Montprêchambord. Et parce qu'effectivement, c'est bien de pouvoir visiter des domaines, parler avec des vignerons, mais je trouve qu'en l'occurrence, cette sortie-là était très intéressante de voir autre chose. Ça fait partie du processus, t'as le travail du vigneron, mais si t'as pas un bon matériel, et là en l'occurrence un bon fût, les compétences, c'est pas qu'elles servent à rien, mais je veux dire, c'est complémentaire. Je voulais simplement signaler qu'on a quand même la chance au lycée d'Amboise de faire partie d'une appellation merveilleuse, l'appellation Touraine-Amboise, mais également ses petites sœurs, les appellations Vouvray, et puis la meilleure d'entre toutes, l'appellation Mont-Louis, évidemment. Donc vous êtes toutes et tous des professionnels du vin en devenir. Vous avez aussi des cours d'anglais, il me semble. Yes. Tout à fait. Yes. Et donc, est-ce que c'est important pour vous, justement, la diversité des cours que vous avez, est-ce que ça répond aux besoins que vous aviez identifiés en commençant cette formation ? Alors, ce qui est très bien avec les cours d'anglais, c'est qu'on ne fait pas que de l'anglais. Avec Virginie, on fait également un peu des points sur la culture. Elle supplémente quelques cours de sommellerie. Et je pense que quand on parle du monde du vin aujourd'hui, il faut peut-être transcender ce côté très chauvin qu'on a en France, de ne penser que à nos vins et s'ouvrir un peu sur le monde. Car je pense que pour certains d'entre nous, nos ambitions s'étendent au-delà de la France. Pourquoi pas travailler à l'international ou voire même à l'export. C'est vrai que le travail du vin permet justement ces perspectives internationales. Ah oui, c'est comme la cuisine, on peut travailler là où il y a du vin. Merci Riley. Merci à toi Julie. Et donc vous avez aussi eu la chance, là début février, de participer à vos premiers salons professionnels. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir faire les salons sur Montpellier et sur Angers. Première expérience très fatigante. Faut se le dire, c'est quand même une gymnastique à prendre. Mais par contre, on est dans un bain de bienveillance et de découverte constante. Et de vin surtout. Et de vin, bien sûr. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de le rajouter ? Non, franchement, c'était super. On peut goûter beaucoup de choses, de vins qui viennent un petit peu de partout, des procédés un petit peu différents. Et puis surtout, avoir la chance de pouvoir discuter avec certains vignerons ou vigneronnes. C'est très intéressant parce que du coup, ils nous expliquent un petit peu plus en détail comment ils vinifient, comment ça se passe vraiment concrètement sur l'exploitation. Et voilà, puis de rencontrer aussi des professionnels, que ce soit voilà, effectivement des cavistes, des restaurateurs, des agents commerciaux comme Anaïs, et de pouvoir en fait avoir la chance de pouvoir discuter avec eux et d'échanger et puis tout simplement d'adapter notre mode aussi en tant que stagiaire. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement discuter avec ce genre de personnes pour adapter aussi notre dialogue et se parfaire en fait au monde professionnel. Dans la lignée de Manon, j'ai aussi eu la chance juste avant le salon d'Angers de participer au salon de la Dive Bouteille, au salon des vins nature, le salon de la Dive Bouteille donc à Saumur, qui est un salon qui est très important d'une part au niveau international. Si jamais je peux rajouter quelque chose sur la formation, c'est qu'on a quand même tous des âges différents et ce qui est quand même enrichissant, je trouve personnellement, sachant que vu mon jeune âge par rapport à tout le monde, j'ai pu en apprendre plus, certes sur le vin, en principalement, bien sûr, vu que c'est le but de la formation, mais aussi rien que sur la vie en général, grâce à mes camarades, j'ai pu en apprendre bien plus et grandir assez vite. Merci Elisa. Oui, c'est vrai qu'il y a une large fourchette. Tu as 18 ans, ça va jusqu'à 53 ans, donc vous enrichissez aussi de ça, en fait. C'est vrai que chaque année, on retrouve comme ça, cet éventail d'âge qui fait que chacun, chacune est à un stade de vie parfois différent. Et puis, on se croise pendant ces quelques mois. Et moi, j'aimerais conclure sur la présentation de la formation en parlant des débouchés. Parce que vous êtes donc des professionnels du vin en devenir. On a évoqué quelques métiers avec le salon des vins, notamment des cavistes, des agents de vignerons, vigneronnes. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire après cette formation qui se termine là au printemps ? Pour ma part, j'ai la chance, potentiellement, de pouvoir poursuivre avec Anaïs, donc en tant qu'agent indépendante. Donc j'espère vraiment que ça se fera, encore une fois, tant que rien n'est écrit, on n'est jamais sûr. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir poursuivre avec elle, parce que c'est très intéressant, j'ai vraiment découvert un métier où on est constamment en train de bouger, donc moi c'est exactement ce qui me convient. On voit beaucoup de monde toute la journée, que ce soit des vignerons ou des professionnels comme des restaurateurs ou des cavistes. On est toujours en train de discuter, d'apprendre des uns des autres, de goûter aussi beaucoup de choses Donc c'est plutôt sympa. Et surtout, elle reste très pédagogue. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de pression en tant que stagiaire avec elle, puisque même pour des questions qui peuvent paraître futiles, elle reste encore une fois très pédagogue. Elle me réexplique les choses calmement et surtout avec peut-être avec des choses un petit peu plus concrètes, avec les vignerons, etc. Ce sont des choses qui parlent plus pour ma part. Voilà, avec plein de beaux projets qui arrivent pour la suite, je l'espère. Voilà. Merci Manon. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager le débouché qu'il souhaite suivre après la formation ? Christophe ? Quant à moi, je pense que j'aurais besoin de faire un point à l'issue de cette formation, à savoir de bien définir quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Je ne suis plus d'une toute première jeunesse comme mon collègue Joachim. C'est un petit taquet un peu gratuit, je le concède. Même pas mal. Je ferai un point concernant mes qualités et mes défauts, parce que je n'ai pas envie de partir dans différentes expériences. J'ai plutôt envie de quelque chose de stable, quelque chose qui soit aussi en rapport avec la passion, pas toujours très saine, je peux avoir avec le vin. Non, c'est pas bien de dire ça. Merci Manon. Eh bien maintenant, je vais me poser la question à Joachim. Pour ma part, j'ai travaillé quasiment 20 ans dans la viticulture, donc c'est un milieu que je connais. Après, je connais que la vigne, le chai. Mais là, j'ai découvert une autre facette du métier, même si j'avais quelques notions quand même. Et puis, la rencontre avec Jean-Christophe, ça a vraiment été une belle rencontre. Il m'apprend le métier, il m'a ouvert les yeux sur d'autres manières de faire du vin, enfin, de goûter les vins et d'apprécier les vins, plutôt que de faire du vin. Il y a une multitude de choses qui se font en France et encore plus aujourd'hui, où vraiment, il y a plein de jeunes qui réfléchissent, ou qui réfléchissent pas d'ailleurs, mais qui sortent des cuvées très originales. Alors, il y a du très bien, il y a du moins bien, mais en tout cas, c'est très intéressant d'approcher ce monde-là, d'approcher ce monde des vins nouveaux, nature. Alors, faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est très intéressant. Et vous, Elisa, Riley, est-ce que vous avez des perspectives après la formation ? Je me permets de commencer. Pour moi, personnellement, je ne me sens pas prête complètement à me lancer dans le monde du travail. Et je pense continuer des études pour pouvoir approfondir mes connaissances et être capable de mieux parler du vin, même si la formation est vraiment complète. Donc, on verra par la suite, mais pourquoi pas une licence et après avoir l'avenir, ce qui me réserve. Je te laisse la parole, Riley. Merci infiniment, Elisa. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir faire non pas un, mais deux stages au cours de la formation. Un premier stage à la cave des Affranchis à Blois, une cave qui spécialise dans les vins nature. Et ensuite, de continuer chez Coralie et Damien Delechenot à la Grange Tiffaine. Pour ma part, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur le monde du vin. Je pense que ça pourrait être enrichissant pour moi si Coralie et Damien le permettraient de continuer à travailler au sein de l'équipe de commercialisation et d'épauler Mélanie là-bas afin de un peu plus faire mes armes. Mais je réfléchis à quelles seraient les possibilités d'avenir. Pourquoi pas commencer une micro-organisation de consulting pour aider les restaurants qui ne souhaitent pas nécessairement engager un sommelier et puis de répondre à des attentes, former des équipes sur le vin. Je réfléchis à plusieurs choses, mais pour l'instant, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Merci Riley. Je vous propose qu'on marque une courte pause musicale avant de poursuivre l'émission. On va écouter I Heard It Through the Grapevine de Creedence Clearwater Revival. J'ai pas révisé mon anglais avant de venir. Bye. nous sommes de retour sur le plateau des Neunephiles. On est donc sur Radioactive avec le groupe de CS Commerce des vins du lycée viticole d'Amboise, donc les 6 stagiaires et moi, Julie, leur accompagnatrice. Dans l'émission d'aujourd'hui, donc on a commencé par présenter la formation, certificat de spécialisation, et dans cette deuxième partie d'émission, on va aborder les expressions du vin. Quand vous allez chez votre caviste, vous entendez peut-être plein de vocabulaire qui ne vous est pas du tout familier. Ce vin est gouléant, il a de la cuisse, il est perlant. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on entend et qui nous paraissent des fois un petit peu mystérieuses. Donc là, le but de cette deuxième partie d'émission, les neunephiles. On se sent toutes et tous des fois un petit peu neuneux chez le caviste. Donc l'idée, ça va être d'expliquer quelques termes qu'on a choisis aujourd'hui avec l'équipe du CS Commerce d'Amboise. Et on va commencer avec le terme glouglou. C'est Joachim qui l'a choisi. Concernant les vins glouglou, je vous propose plusieurs définitions, voire synonymes. Donc, qu'est-ce qu'un vin glouglou ? Un vin glouglou, c'est un vin facile à boire, c'est un vin à haut potentiel de buvabilité, c'est généralement des vins peu alcoolisés, c'est des vins que l'on boit en toute occasion, avec n'importe qui et n'importe quoi. C'est des vins de terrasse, c'est des vins de soif, c'est des vins frais, bref. Qu'est-ce que, techniquement, un vin glouglou ? Alors, un vin glouglou, ça concerne déjà plutôt les vins rouges, enfin je pense, à mon sens, et sont souvent des vins sur le fruit, avec peu d'alcool et peu d'extraction des tanins notamment. Alors, ces vins sont le résultat d'un cépage. Dans notre région, ça serait du Gamay, des Grelots, mais il y en a plein d'autres ailleurs en France. Il y a la Bourioux, il y en a plein. Mais surtout et aussi d'un terroir. En effet, un même cépage sur différents terroirs peut s'exprimer de façon différente. Sur des sables et sols légers, les vins seront plutôt sur le fruit, donc glouglou, alors que sur des sols argilo-calcaires, la maturité sera plus tardive et donnera des vins plus complexes, des vins à attendre, plus austères dans leur jeunesse. On peut se poser plusieurs questions concernant les vins glouglou. Alors, première question, est-ce que le glouglou est un vin nature ? Je vous laisse réfléchir. Deuxième question, est-ce que la consommation des vins glouglou varie en fonction des saisons ? Est-ce que les vins glouglou ne sont que des vins de petits terroirs, de sol très léger ? Et enfin, un peu d'économie, est-ce que les glouglou sont-ils des vins de trésorerie pour un domaine ? Alors, après ces questions existentielles, nous attendons vos réactions sur le site Facebook de Radioactive. À titre personnel, je vous fais part de la sortie d'une bande dessinée que nous avons scénarisée et mon frère a dessinée, qui s'intitulera Adieu Coach et qui sortira en mai 2024, une bande dessinée sur le rugby et ses acteurs. Voilà, merci. Eh bien, comme ça, c'est placé. Merci, Joachim. Alors, vin glouglou, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend et qui paraît des fois un petit peu dépréciatif. Vous, qu'est-ce que vous pensez, les autres, de cette expression ? Est-ce que vous l'utilisez quand vous conseillez un vin autour de vous ? Personnellement, c'est un terme que j'ai entendu plusieurs fois par des vignerons pour décrire leurs vins, souvent les vins d'entrée de gamme. Alors je pense que le vin en lui-même, c'est pas quelque chose qui est utilisé pour d'une manière péjorative, mais personnellement j'évite de l'utiliser pour parce que je trouve que d'une certaine manière ça s'inscrit un peu dans une tendance assez, pour dire bobo, un peu neuneux. Du vin qui, je pense, à mon sens, ne prend pas les consommateurs de manière sérieuse. Après, c'est pas pour dire qu'on peut pas avoir un peu de fantaisie et de fun dans le vin, mais personnellement, j'évite de l'utiliser. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Riley, pour avoir un petit peu d'expérience chez le caviste, c'est souvent de fois les clients qui demandent un vin glouglou. Pour rebondir sur mes collègues, c'est quelque chose, moi, qui suis, que ce soit en contact avec les professionnels comme les vignerons ou les restaurateurs, les cavistes. Effectivement, Joachim, tu as raison, c'est un terme qui est couramment utilisé. Et surtout, pour ma part, qui n'a pas une connotation négative, mais plutôt de vin facile à boire, frais, qui n'est pas lourd, que tu n'es pas obligé de boire au cours d'un repas, que tu peux très bien apprécier, par exemple, lors d'un apéro. Voilà, quelque chose de léger, avec du fruit, etc. Et pas du tout quelque chose de négatif et qui va dénigrer le vin. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Manon, je comprends tout à fait. C'est, en fait, je pense que c'est plus une anecdote où un vigneron qui était en déplacement pour présenter ses vins, je ne vais pas le citer, mais n'a cessé de décrire ses vins comme étant glouglou. Et je pense que juste au bout d'un moment, j'ai saturé sur ce terme qui maintenant me rend assez tendu, on va dire. J'aimerais rajouter quelque chose sur cette explication. Je trouve aussi que le monde du vin, on a souvent tendance à penser que et ça se voit d'ailleurs, il n'y a pas que penser, c'est on le voit, des personnes qui se prennent peut-être un peu trop au sérieux, à employer des termes un peu trop complexes. Et je trouve que ce genre de terme type glouglou, ça permet un petit peu de relâcher un petit peu toute cette pression qu'il y a un peu autour du vin et de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique, un petit peu plus familial. Et que c'est des termes qui sont que tout le monde comprend, en fait. Ça permet d'ajouter un petit peu de fantaisie, je trouve, dans ce milieu. Et en effet, ça permet de se détendre. Mais Riley est tendu. Et... Ah ouais, je suis tendu, là. C'est... D'ailleurs, je vais vous parler de la tension, car le terme que j'ai choisi, c'est quand on dit qu'un vin est tendu. Alors, souvent, on emploie ce terme quand on parle de la finale d'un vin. C'est, à mon sens, pour décrire une sensation de vivacité et de longueur en bouche qui s'ajoute parfois à une forme d'acidité assez marquée. D'ailleurs, on peut confondre ce terme ou même l'utiliser à la place de dire qu'un vin est droit ou vif même. Alors, ce terme de tension et de dire qu'un vin est tendu, ça se diffère pas mal de la notion d'amplitude. Car on ne parle pas ici du volume gustatif du vin, mais on parle vraiment de la durée et de la cohérence des arômes du début à la fin du verre. C'est un terme qui, à mon sens, décrit un vin qui va droit au but et qui n'a pas trop de complexité ou de structure. Et souvent, on peut dire qu'un vin est tendu quand il y a une forme d'acidité et de fraîcheur. Et dans 99% des cas, ce sont des vins blancs quand on parle de vin tendu. Alors on pourrait utiliser ce terme pour décrire des Sauvignons ou des Chenins dans notre belle région de la Loire, ou alors des Riesling alsaciens ou des Chablis bourguignons. Personnellement, ce sont des vins qui me parlent, c'est des vins qui n'essayent pas d'en faire trop, des vins très bons à consommer dans leur jeunesse. Souvent, on pourrait les associer, dire que les vins tendus sont les cousins en blanc des vins glouglou en rouge. Et ils se dégustent très bien au moment de l'apéritif, ou alors avec une entrée basée sur du fromage ou alors des poissons. Donc chers auditeurs et auditrices, vous saurez maintenant de quoi il s'agit quand on parle de vin tendu chez le caviste. Et j'invite du coup peut-être Elisa, qui a choisi un terme assez différent. Donc qu'est-ce qu'un vin suave ? Du coup, pour ma part, comme vient de le préciser Julie, on va parler maintenant du vin, un vin suave. Suave, c'est pas un mot qu'on entend non plus souvent chez le caviste, mais ça arrive, et quand ça arrive, souvent, on sait pas de quoi ça parle. J'étais la première quand je n'ai pas fait la formation à pas comprendre ce mot, et même au début de la formation, quand Christophe s'en servait. Mais maintenant, après m'être renseignée et savoir ce que ça signifie, je vais peut-être essayer de réussir à vous l'expliquer. C'est un vin qui est parfaitement équilibré sur la douceur, avec plutôt une harmonie sur le plan aromatique, avec des caractères soyeux et veloutés qui s'accompagnent tous les deux. Bien sûr, je ne parle pas de la soupe, mais de la texture qui est veloutée. Et avec des tanins qui sont très doux. Donc ce qui nous donne en bouche l'impression d'une grande finesse, avec cette sensation qu'on retrouvera en bouche, surtout grâce à sa texture qui appelle donc le sens du toucher et qu'il ne faut pas oublier en dégustation. Donc pour un vin, c'est une qualité de le définir comme suave, et lorsqu'on le cite, c'est un compliment souvent pour le vigneron qui l'a élaboré. Donc souvent, ce qui en découle, c'est qu'on apprécie ce vin. Du coup, n'hésitez pas à vous en servir maintenant que vous savez ce que ça signifie et que peut-être vous comprenez mieux son sens. Puis surtout, de le dire devant un vigneron qui sera très heureux de l'entendre. Donc merci Elisa. Et puisqu'on parle texture du vin, On va donner la parole à Christophe qui a choisi le terme minéral qu'on entend beaucoup et qui fait particulièrement débat. Oui, Julie. Qu'est-ce donc la minéralité ? Terredevin.com donne une définition qui fait sens. C'est une notion subjective, une perception qui apparaît plutôt en milieu et fin de bouche, une sensation tactile sur les papilles, complexe et positive. Un vin minéral est droit, pur, non fuyant, il ne s'avachit pas, mais au contraire s'élève tout au long de la dégustation. Certains dégustateurs la décrivent comme une forme de dynamisme en bouche. La sensation de lécher un caillou est assez juste, mais si l'on veut s'approcher au plus près de son essence et que l'on est fin gourmet, je ne saurais trop vous conseiller plutôt de choquer deux silex, puis de lécher une des parties internes de la pierre, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été au contact d'autre chose qu'elle-même. Il s'en exhale alors une singulière odeur de fumée, une même singulière sensation tactile sur la langue, et parfois même encore une singulière sensation d'y avoir laissé un peu de son anatomie. Je parle en connaissance de cause, c'est du vécu. Ah, les joies de l'enfance, on savait s'amuser à l'époque. Maintenant, lécher du silex, c'est une chose. Mais reproduire l'expérience avec du calcaire, de l'argile ou du sable n'aura absolument pas le même rendu. Et pourtant, l'adjectif minéral sera tout aussi idoine dans le jargon des dégustateurs pro ou amateurs. Le terme minéral saurait-il alors être saisi autrement que subjectivement dans ce qu'il décrit ? Eh bien non, justement. Il transcende toutes les notions objectives qu'on voudrait lui faire dire. Et c'est fort heureux. Déjà, car ça permet à un œnophile comme votre serviteur de pouvoir l'utiliser avec pas toujours modération. Et puis, c'est bien là le principal, que tout à chacun puisse disserter entre accords, contradictions, paradoxes et mauvaise foi sur cette insaisissable minéralité. Et vous, est-ce que c'est un terme que vous utilisez, les autres, la minéralité, un vin minéral ? Oui, en soi, pas mal pendant les dégustations. Pour ma part, si je me trompe pas, je pense que je m'en sers plus sur les blancs. Et maintenant, je m'en sers depuis que j'ai pu faire aussi l'expérience de lécher un silex, vu qu'on m'avait dit de faire ça depuis la formation, ce qui n'était pas vécu. Et as-tu laissé un morceau de langue sur ce silex ? Merci Christophe pour cette question. Et non, j'étais plutôt juste perturbée, on va dire. Mais je crois que ma langue est toujours intacte vu que j'arrive à parler. Oui, parce qu'il y a un certain danger quand même à reproduire l'expérience, enfin à tenter l'expérience. C'est comme quand on secoue, je ne sais pas si vous avez déjà tous expérimenté ça, puisqu'on n'écrit plus trop à la craie dans les écoles. Mais quand on secoue voilà, les deux tampons à craie l'un contre l'autre, il y a vraiment cette poussière de craie dans l'air qui vient se déposer un peu sur la langue. Et moi, en fait, quand un vin minéral, c'est vraiment cette sensation-là de quand j'écrivais à la craie trop près du tableau. Et ça laisse la même impression en bouche. Et pour parler donc du dernier terme, je propose à Manon de prendre la parole parce qu'on va parler de mâche. On dit d'un vin qu'il a de la mâche, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Merci Julie. Alors en effet, moi je vais parler de la mâche, de la matière. Je vais commencer avec une définition qui nous vient tout droit de notre cher et tendre dictionnaire. Peut-être un mot inconnu pour nos plus jeunes auditeurs et auditrices. Donc un vin qui a de la consistance, du gras et des tanins. La sensation tactile en bouche donne l'impression de la mâcher, qui après l'avoir avalée, les tanins restent collés au palais. Donc ce terme utilisé dans le langage du vin a de quoi faire réfléchir. En effet, comment peut-on mâcher une matière liquide ? J'ai toujours trouvé ça étrange d'utiliser ce terme, on ne mâche pas une soupe. Pour des apprenants ou des novices dans le domaine du vin, c'est un petit peu vague. Donc si on se réfère à la définition, il s'agirait de tanins qui restent en bouche à la fin de la dégustation et qui viendraient se coller à notre palais pour laisser place à une sorte de sensation dit matière asséchante comme celle après avoir mangé par exemple un pamplemousse. Je pense qu'on a tous vécu cette expérience. Donc pour ma part, je l'associe plutôt à l'épaisseur du liquide comme celle de l'huile ou encore d'un smoothie, donc qui reste des matières liquides mais peut-être un petit peu plus épaisses avec un petit peu plus de gras. Avec une espèce de densité. Exactement, merci Julie. Mais dans le monde du vin, ces textures, ça, on n'en parle pas trop. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne dit pas, qui sont dites non valorisantes pour le vin. Moi, je trouve ça un petit peu bête. On utilise, comme je disais un petit peu précédemment, on utilise tout le temps des termes trop complexes pour finalement dire des choses très simples. Je pense que si on utilisait un langage simple que tout le monde connaît. Enfin, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, toujours est-il que moi... C'est aussi ce qui fait la complexité et la magie du monde du vin, Manon, si je peux me permettre. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on est quand même dans un monde où il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au vin. Et je pense qu'il faut essayer aussi d'en faire quelque chose d'un petit peu plus simple. On a déjà, je trouve, une multitude d'appellations, une multitude de régions à connaître, de cépages différents. Enfin, c'est déjà très complexe en soi. Je ne parle même pas des principes de fabrication, etc., des différents contenants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Peut-être que juste alléger déjà le langage, ce serait plus simple pour tout le monde. On se sentirait peut-être moins... Alors, c'est peut-être fort ce que je veux dire, peut-être moins stressé d'aller chez le caviste pour demander une bouteille, finalement, où on ne se sent pas légitime de demander parce qu'au final, on n'y connaît rien. Je trouve ça un petit peu bête parce qu'au final, tout le monde peut parler du vin, tout le monde peut en boire, chacun à son échelle et il n'y a pas besoin d'employer des termes hyper complexes. De toutes les manières, comme nous l'a souvent signalé notre cher instructeur Johan Bourges, tout le monde arrive avec son propre palais singulier, ses propres expériences, ce qui va goûter plus sur des arômes d'agrumes, sera plus de la pêche pour quelqu'un d'autre. La tarte aux fraises, éventuellement. Merci infiniment, Christophe. Inside joke. Oui, en fait, on arrive tous avec nos points de vue, notre singularité à chacun, nos palais tous différents. Au final, ce qui importe vraiment, c'est de savoir si on aime le vin, si on ne l'aime pas, est-ce qu'on a envie de le partager avec les autres. Et au final, ces termes sont instructifs quand on connaît le sens, mais sinon, le plus simple, quand vous allez chez votre caviste ou quand vous voulez demander un vin, utilisez vos propres termes et je pense que dans 95% des cas, vous arriverez à vous faire comprendre. Alors je rebondis une dernière fois sur ce que tu viens de dire, Riley. On parle souvent du vin, effectivement, que c'est une boisson qui rapproche, une boisson conviviale. Mais je trouve quand même qu'on est... Enfin, tout est lié, hein, c'est pour rebondir avec les différents mots, les termes, etc., qu'on peut utiliser dans le langage du vin. Je trouve quand même qu'on en fait, du coup, quelque chose d'assez sectaire. C'est-à-dire que si on ne sait pas parler avec du coup les termes un petit peu plus techniques, on est quand même mis à l'écart. Je le vois chez certains cavistes qui, entre eux, vont partager un réel moment convivial en dégustant un vin parce qu'ils se comprennent avec leurs termes à eux. Et quand toi, tu es simple client et que tu essayes d'intervenir dans cette discussion, comme tu n'as pas le même langage qu'eux, ça va devenir très compliqué de pouvoir faire partie, entre guillemets, de ce moment de convivialité. Je trouve quand même qu'on reste encore, quand on n'est pas pro et qu'on n'a pas le langage adapté, on reste encore mis à l'écart de certaines situations. Si je peux me permettre d'intervenir, on parle beaucoup d'alcool, mais on oublie de préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que, n'empêche, le vin est quand même accessible à tout le monde et enfin, il ne faut pas hésiter à essayer si on le souhaite et à déguster... avec nos propres moyens, même si des fois, oui, il peut paraître inaccessible, il faut s'ouvrir les portes et y aller. Je vais aller un petit peu à contresens de ce qui vient d'être dit. Quand vous achetez une bouteille en grande surface, quoi que vous achetiez, il n'y a aucun conseil. Vous êtes tout seul, vous choisissez une bouteille au hasard, à la beauté de l'étiquette, parce qu'elle vous plaît. Je pense que le client, dans sa grande majorité, recherche cette forme d'initiation. Recherche justement ce vocabulaire un petit peu compliqué pour un petit peu rentrer dans la famille et se sentir connaisseur. Je crois sincèrement que justement le caviste, enfin je vais parler pour ce que je fais, le caviste se doit justement d'utiliser ce genre de vocabulaire justement pour accueillir le client, pour lui faire ressentir, alors et bien sûr qu'il ne faut pas être trop compliqué, mais lui faire ressentir que tu arrives dans un milieu un petit peu d'initié. Je le ressens un petit peu plus comme ça. Après, ça n'empêche pas la convivialité une fois qu'on a acheté la bouteille et que tu es avec tes potes de boire un coup. Mais je pense que le conseil et le phrasé est très important. Voilà. Moi, je pense que c'est une question de génération aussi. Moi, je pense qu'on devrait tous partir à l'apéro et ouvrir une bouteille. Alors, comme l'a rappelé Elisa, attention à l'abus d'alcool, c'est à consommer avec modération. Avec qui ? Notre ami Modération. Merci à toutes et tous de s'être prêtés à ce jeu des expressions du vin. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à poser des questions, car comme on a essayé de vous le démontrer, c'est un plaisir aussi de pouvoir poser des mots sur des sensations, mais il faut aussi être à l'aise. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de votre caviste et à aller demander ce que vous souhaitez boire. Merci à Radioactive, à Vincent qui était à la technique et à Marlène qui nous a accueillis. Merci au lycée viticole de nous réunir ce matin et à bientôt pour les nonophiles.